Bonjour Anaïs Quien. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Anaïs, le sujet est grave, la guerre par ceux qui l'aiment et ceux qui la font. Les films de guerre, c'est ce que je préfère. Les films de guerre, c'est ce que je préfère. Tout d'abord, pour les adeptes du genre, le Festival international de cinéma War on Screen commence aujourd'hui entre Châlons-en-Champagne, Suippes et Mourmelon, et comme son titre l'indique, il est dédié aux représentations de la guerre au cinéma. Deux invités sont à l'honneur, Bertrand Tavernier, une évidence, et plus rare, Mike Lee. Le réalisateur britannique y donne une masterclass et présente en avant-première son nouveau film « Peterloo », consacré à la répression sanglante d'une manifestation pour davantage de démocratie au Royaume-Uni en 1819. Une fresque sociale fidèle au style du réalisateur. We are on the brink of liberty. We demand that our suffering cease. Now is the time for action. Now! Beaucoup de films de guerre et sur la guerre et ceux qui la vivent dans ce festival War on Screen, mais peu de débats. S'il vous prend l'envie d'en apprendre un peu plus sur l'histoire de l'invention des cinémas de guerre, entre propagande, effets spéciaux, témoignages et cinéma, la thèse de Laurent Verret, spécialiste avisé de la question, est rééditée par les nouvelles éditions Place sous le titre « L'avènement d'une culture visuelle de guerre, le cinéma en France de 1914 à 1928 ». Et pour ceux qui ne peuvent pas se rendre ni à Châlons-en-Champagne, ni à Suippes ou encore à Mourmelon, une alternative vous est proposée par France 5. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons. Qui est ce citoyen soldat qu'exalte l'hymne national ? Aux armes, citoyens, documentaire en deux parties sur l'histoire du service militaire, dont le premier volet a été diffusé hier, est disponible en replay en attendant le deuxième volet, diffusé la semaine prochaine, qui reprend le fil de l'histoire après la Seconde Guerre mondiale. Le récit des relations passionnées et tumultueuses des Français avec la défense de leur patrie accompagne la nouvelle version de ce moment citoyen initiatique programmé par le président de la République Emmanuel Macron, le Service National Universel ou SNU, SNU, lancé en juin dernier. Cette série documentaire retrace l'histoire de cette sociabilité masculine, ce moment où les garçons rejouaient leurs identités pour la première fois loin de chez eux avec sa liste de clichés indémodables sur les lits au carré, les corvées de patates, les bizutages, les sergents bas du front, les fantasmes aussi, et c'est Daniel Pénac qui en parle le mieux grâce aux archives de l'INA. Il y avait aussi quelque chose qui me frappait beaucoup à l'armée, c'était le mythe de la frustration du bidas. Ah, c'était terrible, bidas, ça allait être pendant... En 70, c'était peut-être encore plus vrai que maintenant. Pendant un an, sans pouvoir faire l'amour, quelle horreur. Comme si les adolescents baisaient tous les jours. C'est extravagant. Hein, c'était un truc qui me frappait vraiment. Et alors ça, comme valorisation sexuelle, c'était formidable, parce que les types s'auto-persuadaient qu'ils étaient frustrés. Alors qu'ils étaient comme tous les adolescents de l'époque, qui faisaient l'amour une fois tous les 36 du mois, et encore avec difficulté, avec... Mais cette espèce ça marchait très très bien. Le deuxième volet de ce documentaire, Aux armes, citoyens, se penche sur la remise en question du service militaire obligatoire par la guerre d'Algérie et les révoltes d'Appelé, mais aussi par les mouvements liés à mai 68, quand une seconde norme, une virilité alternative, s'est inventée dans l'insoumission aux exigences de l'institution. Quand se faire réformer est devenu un sport national jusqu'à l'abandon du service militaire en 1997. Vous devez en avoir des histoires de casernes à nous raconter, n'est-ce pas Xavier ? Ah oui, c'était après 1997, parce que 97 c'est la fin, mais il y a eu des appelés après. Oui, service historique de l'armée de terre, des bons souvenirs de casernes. Merci beaucoup Anaïs Quien.